On m'attend sur Koh-Lanta. Paraît qu'il y a un challenge là-bas. Paraît qu'il y a un petit con qui dit Tony, je le mange là-bas. Bon allez, je cherche pas plus, rien à foutre des chitras. Moi, de toute façon, je leur nique leur race. Voilà, moi c'est Tony, je rappe et je déchire. Je parle de Zizi et j'aime aussi le cuir. Je fais dans la provoque, ouais. Viens voir monsieur Zizi, je suis un mec trop top, ouais. Et je t'ai déjà fait la danse du cucu. Regarde, c'est parti. Tony qui met à l'amende tous les petits cucu, tous les petits nénés, c'est pour Toto. Moi je kiffe la oula, je suis trop à ce plat. J'en place une pour Denis Brogna et Moussa. Tony gueule son nom, Tony dans ta sono, Tony dans ta chambre, Tony dans ton cucu. Je m'appelle Tony, je rappe et je déchire. Je m'appelle Tony, je rappe et je déchire. Je m'appelle Tony, je rappe et je déchire. Je m'appelle Tony, je rappe et je déchire. Et je kiffe la oula. Alors attention, maintenant il va falloir que vous répétez tout qu'est-ce que je vais vous dire. Vous êtes prêts? Là attendez, vous êtes prêts? Je m'appelle Tony, je rappe et je déchire. Je m'appelle Tony, je rappe et je déchire. Je m'appelle Tony, je rappe et je déchire. Je m'appelle Tony, je rappe et je déchire. Hey DJ, remets le 45 tours. Tony qui met à l'amende tous les petits cucus, tous les petits nénés, c'est pour Toto. Moi je kiffe la oula, je suis trop à ce plat. J'en place une pour Denis Brogna et Moussa. Tony gueule son nom, Tony dans ta sono, Tony dans ta chambre, Tony dans ton cucu. Je m'appelle Tony, je rappe et je déchire. Je m'appelle Tony, je rappe et je déchire. Je m'appelle Tony, je rappe et je déchire. Je m'appelle Tony, je rappe et je déchire. Et en tant qu'ancien gendarme, j'ai envie de bouillave.